Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast de la French Tech San Paolo. Vous l'aurez compris, on va parler tech, business et entrepreneuriat à l'étranger. Nous allons questionner les rouages de la réussite outre-mer, partir à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours singulier, et faire un saut dans la culture paulista, où samba et caipirinha peuvent rimer avec start-up et digital, par exemple. Pendant 40 minutes environ, ces businessmen et women vous parleront de leur parcours, leurs challenges professionnels, vous prodigueront conseils et anecdotes afin que vous en retiriez un maximum. Vous inspirez, vous conseillez, vous motivez, vous rassurez, vous trouverez bien un motif qui en vaudra la peine. Prêt au décollage? Alors allons-y, vous écoutez la French Tech San Paolo. Après mon entrevue avec Fabien Echen, que vous avez pu découvrir dans le premier épisode, j'étais très enthousiaste à l'idée de continuer mes rencontres. Et c'est après un délicieux café frappé chez Coffee Lab que je me rendis dans les bureaux de Lime Life by Alcon pour y retrouver Mathieu Leroux. Diplômé d'HEC, Mathieu décide après 2 ans de VIE au Brésil de faire un tour du monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, un tour du monde en 80 hommes et beaucoup plus de jours où Mathieu est parti à la rencontre d'hommes et de femmes entrepreneurs dans le développement durable. Je dois dire que j'avais d'autant plus hâte de le rencontrer que je trouvais ce projet passionnant. Je ne fus pas déçu. Très ouvert, ce businessman qui a été successivement VP Deezer LATAM, puis cofondateur de la franchise brésilienne ELATAM du Wagon, une école pour apprendre à coder, et enfin VP de Lime Life by Alcon, va se confier, non sans humour et franc-parler, sur son parcours, ses inspirations, le management au Brésil et l'écosystème tech. Quelque chose me dit qu'après l'avoir entendu, vous aurez forcément tous, comme moi, envie de partir découvrir le monde, apprendre à coder et entreprendre au Brésil. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler, je m'arrête là et je laisse place à mon entrevue avec Mathieu Leroux. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir ici dans tes locaux. Alors d'ailleurs, j'aime bien commencer mes interviews par la question sur le lieu où nous sommes, parce que ça remet dans le contexte pour l'auditeur et ça met dans une certaine ambiance. Donc, où sommes-nous? On est dans le Villa Madalena, déjà, le quartier assez sympa de São Paulo, dans un immeuble assez design qui est l'immeuble d'une école qui s'appelle École Britannique des Arts Créatifs et qui nous a sous-loué pour le wagon au deuxième étage un lieu. Donc, on est dans les bureaux du wagon. Ouais, super. En open space, pas trop bruyant encore pour un open space, même si ça parle beaucoup. Mais... Ouais, les Brésiliens, ils sont bavards, ils aiment bien parler. Quand t'es dans un énorme open space, t'as tous les deux jours un anniversaire à chanter à tue-tête. Et un jour par semaine, il y a les enfants qui viennent. Les chiens, les enfants, c'est bonne ambiance. Mais faut aimer le bruit, quoi. Ok, donc j'ai la chance donc, de t'interviewer aujourd'hui parce que je me retrouve grandement dans certaines de tes déclarations. Et quand tu dis que tu n'as jamais été inspiré par la théorie, tu n'es inspiré que par des gens qui te racontent leur vie, qui t'expliquent leurs choix et que tu comprends, et où tu te dis, tiens, face au choix que j'ai aujourd'hui, si je m'inspire de ce qu'il a fait lui, comment il l'a fait, eh bien ça t'aide à faire tes choix. Te rappelles-tu quand tu as dit ça et es-tu toujours d'accord? Est-ce que tu as des sources d'inspiration à... aujourd'hui encore. Je me souviens plus exactement quand j'ai dit ça, mais c'est clairement quelque chose que j'ai déjà dit. Moi je me souviens clairement quand j'étais en école d'être ennuyé jusqu'à la mort par des professeurs dont je sentais clairement qu'ils avaient jamais testé leur théorie dans la pratique. Et j'étais complètement captivé à chaque fois que parmi ces cours, il y avait soit des profs qui avaient clairement alterné entre pratique et théorie, soit en général les mêmes, quand ils invitaient des praticiens, des entrepreneurs, des VC, même des patrons ou des opérationnels de groupe qui venaient nous raconter comment ça se passait et qui venaient nous partager leurs difficultés, comment ils avaient atterri dans ce qu'ils faisaient et comment ils feraient différemment les choix qu'ils avaient eus, etc. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours pas perturbé mais troublé de voir à quel point quand la théorie est trop rondelette, j'ai aucune accroche, et quand je sens que c'est la pratique qui donne de la théorie, là ça me fascine. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on en parlait avant que l'interview commence, mais il y a un auteur que j'adore, je je me suis plongé dedans récemment, hein, j'ai pris un peu de temps parce que c'est des vieux bouquins, mais qui s'appelle Nassim Taleb, et lui, il est même plus radical que ça. Il dit que vraiment, il y a finalement que les praticiens qui inventent les théories, et qu'il y a plein de théories fumeuses qui sont en fait des vols intellectuels caractérisés de gens qui venaient dans la pratique, notamment dans la finance des marchés qu'il connaît bien. Et donc il a un respect absolu pour les praticiens qui derrière arrivent à théoriser ce qu'ils ont fait, et il a une inimité particulière pour des gens qui se sont consacrés leur vie à la théorie sans jamais valider sur le terrain ce qui est raconté. Je suis inspiré par... Il y a plein de gens qui m'inspirent, mais c'est... Encore une fois, en 2003, je suis parti faire un tour du monde, et là aussi, c'était l'idée d'adresser un sujet qui était un sujet que je trouvais traité de manière trop théorique, qui était le développement durable, sauf qu'on l'a pris sous l'angle des solutions concrètes. Donc on est allé interviewer... Le projet s'appelait Le Tour du Monde en 80 hommes, on a interviewé des hommes et des femmes, et l'idée c'était d'interviewer des praticiens, donc pas forcément qui se déclaraient et qui utilisaient le terme de développement durable, mais qui faisaient du microcrédit au Bangladesh, des panneaux solaires en Californie, de l'écotourisme au Brésil, des soins médicaux bottom of the pyramid en Inde. Et donc chacun de ces gens qu'on a vus, pour moi c'était vraiment le type d'exemple que j'aimais, c'est-à-dire c'était des gens qui avaient vu un problème, imaginé une solution, pratiquer la solution, enfin mis en place la solution, galérer au début tous, pour ensuite faire un truc. Plein de gens en découvrant ça, les ont copiés et ils étaient ravis. Et mon bouquin est sorti en 2005. Et c'était clairement l'idée de montrer. Après, je veux pas faire de l'anti-intellectualisme de base. Quand on a touché le sujet du développement durable, évidemment qu'il faut aller regarder les études scientifiques sur le changement climatique, sur la fin du pétrole, sur les problèmes de la santé, de l'éducation, etc. Je suis pas en train de dire que tout ce qui est entre guillemets théorique est à jeter. Je dis qu'une fois qu'on a compris le problème, on devrait passer 90% de son temps à tester des solutions, à voir les solutions qui marchent et à les répliquer ailleurs. Et c'est ça qui me perturbait. C'est-à-dire que je voyais beaucoup de gens qui théorisaient les triple bottom line et tout un tas de littérature autour de verdir tout un tas de démarches, de stratégies, de machin. Et après, on regardait, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a changé? Maintenant, notre rapport annuel, il est en papier recyclé. Ok, super, très bonne idée, mais c'est tout. Ouais, c'est un peu ça. Et comment d'ailleurs, parce que ça m'a assez passionné ce tour du monde, ce projet, surtout pour donc 2004-2005, comment passe-t-on d'un master HEC en business et entrepreneuriat à un tour du monde en 80 hommes, donc du développement durable? C'est quand même un assez gros risque, surtout pour l'époque, je dirais. Le risque, on s'est regardé, j'étais avec un ami qui s'appelait Sylvain, qui a fait l'ESCA, et on s'est regardé tous les deux, on se dit, c'est quoi le risque de prendre un an pour faire un tour du monde? Alors on s'est dit, sur un CV, il peut y avoir des gens qui disent que c'est une perte de temps, et je dis, mais t'as vraiment envie de travailler avec des gens qui te disent que c'est une perte de temps? Non, donc c'est super, en fait, c'est un filtre. Les gens qui trouvent que c'est bidon, ils vont pas te sélectionner, tu ne vas pas travailler avec des cons. Donc en fait, il n'y a pas de risque, objectivement. Alors après, c'est un luxe de pouvoir partir un an, même si la vie autour du monde coûte moins cher qu'une vie à Paris sans job, mais tu n'as quand même pas de source de revenus, donc il fallait faire un... Avant le projet, on avait levé des bourses et des sponsorings, enfin on s'était un peu organisé. Ce risque, c'était de préparer un truc qui finalement se faisait pas, mais nous on avait dit de toute façon, si on trouve aucun sponsor, on partira 3 mois et puis on aura fait notre truc à la hauteur de nos moyens qu'on avait accumulés après 2 ans de veilleuse. Franchement, c'était pas risqué. Et pourquoi le faire? Parce qu'on était tous les deux frustrés de ce qu'on avait entendu en cours pendant 4 ans. On se disait, il y a plein de trucs passionnants et personne ne nous en a parlé, ou très peu. Moi j'avais lu le bouquin de Mohamed Younous où il raconte sa vie et son histoire. Je trouvais que un mec qui crée une banque pour sortir les gens de la pauvreté, c'était intriguant. Et donc je me dis, mais lui c'est génial, il faut absolument aller le voir, mais il y en a peut-être des centaines des mecs comme ça qui utilisent le business et l'entreprise pour être un facteur de changement positif. Évidemment, ils gagnent de l'argent. Après, s'ils en gagnent trop, ça devient cynique, mais s'ils en gagnent normalement juste pour grandir, moi je vois aucun problème. Tout est une question d'équilibre. Et donc on a apporté un peu ce truc-là. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux penser, ça y est, le mec HEC, il a craqué, il est devenu hippie. Mais en fait, pas du tout, parce que je trouve que le regard qu'on a apporté au sujet du développement durable, c'était un regard justement de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, de business model. On demandait aux gars, comment vous viviez? Parce qu'on en a eu plein, des gens qui nous disaient, je vis d'un don. Et ça, on disait, mais bah ouais, mais c'est pas pérenne. Si ton donateur, il passe l'arme à gauche ou il décide de changer d'idée, tous les mecs que t'aides, là, tu les mets à la porte, ça peut pas fonctionner. Donc on a focusé 100% sur des gens qui créent des business, des social business. Et ça, c'était parfois des petits trucs hein, qui avaient vocation à devenir très grand. Enfin, quand tu vois la banque de microcrédit en Bangladesh, c'est devenu la troisième banque du pays, hein, prête à des millions de gens, et ils gagnent leur vie, et leurs actionnaires, c'est leur... c'est une coopérative, donc leurs actionnaires, c'est leurs clients. Donc, s'il y a du rendement, bah, tant mieux. Ils peuvent soit prêter plus, soit enrichir leurs propres clients par des dividendes. Donc, tu vois, il y a plein de façons de voir le truc. Et c'est vrai que je pense que... Après, on a fait un truc qui était à notre image, hein. On ne s'est pas réinventé, on n'était pas ingénieur, on n'était pas journaliste, on n'était pas tout ça, on avait clairement fait 5 ans d'études de commerce, donc on avait un œil particulier, mais on essayait d'être super honnête intellectuellement et d'être rigoureux dans la description des gens qu'on a rencontrés. Oui, et puis c'est déjà, on peut le voir aussi comme de l'entrepreneuriat ce voyage, puisque vous avez fait un site internet, ouais, puis ensuite derrière un livre qui je crois s'est vendu à 60 000 exemplaires, 30 000 en grand format et 30 000 en poche. Ouais. C'est assez énorme. Ouais, clairement, je pense qu'on était à un moment clé où les gens commençaient vraiment à s'intéresser au sujet des bons durables, mais n'en pouvaient plus lire soit des prophètes du malheur qui décrivaient que les catastrophes, soit des gens dans la grande théorie qui vous donnaient un livre qui s'adresse à un patron de la stratégie. Mais nous, c'était un angle d'un bouquin dont je voulais que ma mère, auquel ma mère pouvait s'intéresser. Et donc on a parlé de sujets super techniques. Hein. On avait interviewé un chimiste en Allemagne qui vendait des solvants chlorés. Donc, c'est un sujet ardu, mais la façon dont on l'a expliqué... ma mère a trouvé ça génial, alors qu'elle n'est ni chimiste, ni allemande. Après, je suis certain qu'effectivement, si on avait fait le même tour du monde et cherché des éditeurs 3-4 ans après, peut-être que ça aurait pas aussi marché. On a eu la chance. Bah, moi, à mon avis, le succès du bouquin, il y a un type qu'on a interviewé pendant le tour du monde qui nous a donné deux conseils que moi j'avais de manière obsessive en tête quand on a écrit le livre. Le type s'appelle Paul Okan. C'est un Américain qui est entrepreneur et qui a derrière écrit un bouquin. Il a monté une boîte qui s'appelle Smith & Okan, qui était de la vente d'outillage, de jardin, etc. Et derrière, il a écrit un bouquin qui était un succès très fort dans le milieu universitaire, notamment business, MBA, etc. Dans les années 90, qui s'appelait The Ecology of Commerce. Et derrière, il a écrit d'autres bouquins. C'est un mec dont la plume est très reconnue et qui a fait vraiment des best-sellers mondiaux traduits dans plein de langues. Et lui, on l'a interviewé à Sausalito, à côté de San Francisco. Et il nous a dit, ah, vous allez écrire un bouquin derrière. On dit, ouais, on va essayer. J'ai écrit le livre, mais on verra bien si un éditeur veut de nous. Et il nous a dit, bon, on verra, mais si vous écrivez un bouquin, moi, je vous dis deux choses très importantes. Un, c'est ce qu'il y a de plus authentique, qui est le plus universel. Donc, n'essayez pas, n'appliquez pas une espèce de raisonnement marketing en disant, personne n'a fait ça, personne n'a jamais parlé de tel truc dans telle condition, donc je vais faire ça. Faites un truc qui vous intéresse et racontez-le comme vous l'avez vécu et c'est ça qui touche les gens. Et évidemment, votre propre personnalité, vous avez fait une grande école, vous êtes un homme, enfin, vous ne représentez pas tous les lecteurs. Mais si vous êtes authentique, ça touchera tout le monde. Et le deuxième truc qu'il nous a dit, et qu'on avait aussi en tête, c'est de dire qu'il faut toujours parier sur l'intelligence de vos lecteurs, mais pas forcément leur connaissance. Donc quand vous expliquez un truc compliqué, typiquement les solvants chlorés en Allemagne, il faut donner toutes les données de l'équation, donc expliquer à quoi ça sert un solvant chloré, pourquoi le truc qu'il a fait c'est génial, voilà. Mais une fois que vous avez toutes les questions, il faut l'expliquer en deux raisonnements. Enfin, ça sert à rien de le répéter 40 fois. Donc il faut parier sur l'intelligence, mais pas sur la connaissance. Il faut imaginer que personne ne connaît rien au sujet, mais que les gens à qui tu t'adresses, ils comprennent vite. Donc quand tu l'expliques, tu fais le raisonnement dans le bon sens, et une fois c'est bon. Et ça, c'était vachement utile, et je pense que le bouquin, objectivement, bon, au début, on a vendu peut-être 1000 exemplaires à nos potes et friends and family, mais pour atteindre les 60 000, c'est pas parce que Sylvain et moi, on est beaux, je pense que si c'était ça, c'est très bizarre, mais c'est parce que le bouquin touchait les gens, parce que c'était écrit de manière assez... qui vous ressemblait, ouais, d'une manière... Ouais, de sincère, même naïve, par certains aspects, sans doute, parce qu'on était jeunes, mais ça touchait, ça touchait tout le monde, et avec en plus cet angle qui était rafraîchissant, et c'est parce que ça a été aussi le succès. Les gens sortaient du bouquin en disant, putain, enfin un truc qui me donne la pêche et qui me donne envie de passer à l'acte. J'ai plein de témoignages au long des années de gens qui m'ont dit, ce bouquin m'a décidé à faire tel truc, initiative, j'ai monté même une ONG, même des trucs où tu te dis non, il a pas bien lu, mais tant mieux. Enfin, moi je suis ravi, tu vois, c'est des trucs positifs. Super. Et donc là, ça fait pas mal de temps que tu es au Brésil, à São Paulo. Ouais. Pourquoi le Brésil, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience en tant que VP chez Deezer ici? Et bon, ça lance vraiment ta carrière à São Paulo, mais surtout comment ensuite t'es passé du business à créer une école de collège qui s'appelle le Vagon. Alors pourquoi le Brésil d'abord? Parce que en fait, le Sylvain avec qui j'ai fait mon tour du monde était en VIE au Brésil au moment où l'idée est née en 2001-2002. Mais il est arrivé aussi un truc important dans ma vie à ce moment-là, c'est que je me suis mis en couple puis fiancé, marié avec Fernanda, ma femme qui est brésilienne. Donc elle m'a accompagné, elle nous a rejoint dans plusieurs endroits du voyage et surtout elle a eu la patience de m'attendre quand on est revenu et ensuite on a vécu à Paris 8 ans. Mais en 2012, avec deux enfants à Paris, moi j'avais fait 6 ans dans un fonds de venture capital qui venait de se faire acheter par un autre fonds. Bref, une situation un peu pas très agréable où on sentait que mes perspectives personnelles n'étaient pas dément, donc on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un changement et l'envie nous est venue de revenir au Brésil en 2012, donc on décide de revenir au Brésil. Et moi, je voulais, c'était super le venture capital, j'ai investi dans des boîtes, certaines ont fait des fours complets, d'autres ont marché, donc j'ai eu le droit de voir tous les spectres, j'étais très jeune, probablement trop jeune pour faire ça. Mais moi j'avais envie, à l'époque, j'avais 2012, j'avais 35 ans, je voulais reprendre une activité opérationnelle. Je me dis, je ne vois pas toute ma vie être un lecteur de BP en Excel et PowerPoint, je veux vivre la vie de l'entrepreneur côté opérationnel, monter le truc, recruter, me bourrer, vendre. Surtout à 35 ans, si tu ne le fais plus, c'est pas à 45 ans qu'on va te donner cette chance, donc tu finis par plus avoir l'opportunité de revenir. Et donc, je me dis, bon, ben, pas au Brésil, j'avais pas de job, hein, deux enfants et une femme, mais bon, j'avais des beaux-parents ici qui pouvaient nous héberger au début, donc les risques étaient mesurés. Coup de chance, par l'effet réseau, j'entends parler d'une offre pour Deezer. Je ne connaissais rien à la musique, mais je me dis, putain, lancer 10 heures au Brésil, c'est quand même un super truc. Donc j'envoie un CV en disant, de toute façon, je pars aussi au Brésil, si vous voulez m'interviewer, j'y serai au Brésil. Et j'ai un type super qui me répond, qui s'appelle Laurent Billon, qui est le patron international, avec qui on prend un café en août, à qui je me raconte mes aventures de tour du monde et il trouve ça dément. Donc vraiment, l'histoire du risque auquel on pensait, c'est même l'inverse, ça m'a permis, je pense, de gagner du crédit auprès de gens qui étaient top, parce que Laurent, le mec qui m'a embauché, c'est un gars qui a commencé comme gradé de l'armée, puis ensuite il est faire du conseil, enfin bref, un type qui a aussi une vie en dehors des sentiers battus. Il a fait du conseil dans une... Il dit j'étais le moins diplômé de l'ensemble de l'immeuble dans mon cabinet de conseil chez Beaux-Arts Consultants, et il s'en envoyait d'être le gars qui réglait tous les problèmes que les autres ne voulaient même pas regarder. Et ce type-là m'a donné ma chance, quoi. Il m'a dit, bah, a priori je voulais prendre plutôt un Brésilien, mais le Brésil a l'air compliqué, donc ça fait pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît bien la France et le Brésil, et comme moi j'avais le visage, je parlais portugais, donc il m'a donné une super chance. Et donc en septembre 2012, je débarque à São Paulo avec le projet de monter l'activité Deezer ici. Et ça a été un franc succès, pour être franc, parce que en fait, Deezer Brésil s'est lancé assez vite, et surtout on a réussi à lancer genre un an et demi avant Spotify, alors qu'on partait à peu près du même point de truc, mais ils ont été beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est leur process ou bref, mais ils n'étaient pas très agiles. Et du coup, ça nous a donné un temps d'avance conséquent, ce qui fait que le Brésil, jusqu'à aujourd'hui, est le deuxième pays derrière la France pour Deezer. Et accessoirement, même après le lancement de Spotify, où là, ils ont mis des moyens qui ont largement dépassé, donc ils ont beaucoup d'abonnés, mais on a réussi aussi à négocier à l'époque un accord avec TIM, qui est un opérateur de télécom brésilien, enfin italien, mais au Brésil, pour inclure Deezer dans les abonnements, et ça a aussi fait exploser la boîte. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y avait, j'imagine, pas énormément de cartes bancaires pour régler directement. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles c'était pertinent, c'est qu'inclure ça dans un truc d'abonnement... Tout le monde a un téléphone. Objectivement, aujourd'hui, l'e-commerce au Brésil est quand même assez mûr, mais au démarrage, ouais, c'était un des sujets. Et début, la transition sur laquelle tu posais la question, début 2016, bon, d'abord, il y a eu un changement d'équipe au sein de Deezer, donc le fameux Laurent qui m'avait embauché s'est retrouvé écarté, donc c'était une ambiance différente, on va dire ça. Et moi, j'avais un peu fait mon temps, c'est-à-dire que j'avais monté le truc, il y avait un problème d'alignement de perspectives et d'ambition. Donc il était temps que je quitte. Et moi, un des trucs que j'avais vu chez Deezer, de manière très forte, une de mes grandes découvertes, c'était la puissance de l'expérience utilisateur sur le business. C'est-à-dire que nous, localement au Brésil, on faisait le social media, le bizdev, la communication pour se connecter, etc. Mais au final, les gens, ils téléchargeaient l'app, ils rentraient comme utilisateurs gratuits, et ils avaient une expérience qui les fidélisait plus ou moins. Et s'ils étaient fidélisés, ensuite, on arrivait à la convertir plus ou moins en abonnés payants. Et tout ce process-là, ça dépendait entièrement de l'application, de l'expérience utilisateur, de la façon dont on leur présente les fonctionnalités, de ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dit pas, de comment on arrive à découvrir leurs goûts musicaux pour leur proposer des suggestions à leur goût, etc. Et donc, moi, ça m'a fasciné de voir à quel point des petits tweaks, des petites modifications de l'onboarding, la façon dont les gens découvrent l'application, etc., faisaient des bons dans notre capacité d'activer les utilisateurs, de les convertir derrière en payant, etc. Et donc ça, c'était un truc que je trouvais fascinant. Moi, à chaque fois que j'étais à Paris, j'allais régulièrement, je fonçais voir les gens du produit, parce que c'était eux avec qui j'adorais parler. Et clairement, j'avais des conversations que j'essayais d'avoir à mon niveau avec eux, mais je sentais qu'il y avait un moment où j'y arrivais plus parce que ça parlait tech et j'étais perdu. Moi, j'ai fait HEC, donc on est capable de dire qu'on sait tout, mais en fait, on sait rien. On a une espèce de vernis qui nous permet de bluffer. Et Sciences Po, c'est pareil. mais tout ça pour dire que, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. L'expérience utilisateur. Que voilà, l'expérience utilisateur, pour moi, c'était au cœur du truc. Et si tu regardes un peu, je vais rentrer dans la théorie, mais si tu regardes un peu les grandes tendances où tu vois que le software is eating the world, le software devient le truc qui connecte tous les business avec leurs utilisateurs. Maintenant, ma banque, moi, ce que je regarde, c'est l'app sur le mobile. Le taxi, c'est une app. Tout devient un truc software. Et donc, le gars qui domine ce software. Et au sein du software, le Graal, c'est de créer une expérience que l'utilisateur adore au point d'abord de plus utiliser rien d'autre. Exactement. Et en plus, d'en parler à tout le monde. Ah, mais c'est ça. La première fois que tu as commandé un Uber et que le truc, tu sors du Uber, tu n'as rien à sortir, tu payes tout, tu n'en as plus jamais, tu prends un taxi de ta vie. Exactement. Enfin, jusqu'à ce que le taxi fasse une expérience équivalente. Même 10 heures, une fois que, comme toute ta vie, parce que moi c'était mon cas, toute ta vie, tu as téléchargé illégalement des torrents et des trucs de. De YouTube, de téléchargement. Ouais, ou à l'époque c'était. Moi j'ai fait. Ouais, attends, moi je date de Napster. Hein. Je me souviens de l'époque où Napster est arrivé sur le campus d'HEC, je suis pas allé encore pendant une semaine. À l'époque, on gravait des CD en se disant, putain, ça va disparaître, il faut absolument qu'on grave des CD. C'est débile. Surtout, ça m'a coûté mon ordi 4 fois, parce que j'ai évidemment chopé des virus qui m'ont tout effacé 3-4 fois de suite. Et une fois que t'as fait tout ça, et que t'arrives et que tu vois que dans Deezer ou dans Spotify, tout est accessible, tu peux créer des playlists, tu l'as écouté 4 fois, t'en as marre, c'est pas grave, t'es pas en train de détruire un fichier que tu vas devoir re-télécharger pendant une heure dans 6 mois. Tu l'enlèves et puis de toute façon tu le retrouveras dans la machine. Tu peux découvrir ta musique, une musique que t'aimes. Exactement, tu peux partager avec tes potes sans envoyer des mails avec des attachements. Enfin, tout ça fait que l'expérience, c'est pour ça que le streaming cartonne, c'est parce que c'est mieux que la piraterie. Sinon, ça marcherait pas. Enfin, sinon, la piraterie continuerait d'être le truc principal. Donc, le software est au cœur du truc. Et une fois que t'as dit ça, moi je me dis, mais les gars qui sont capables de créer ces expériences utilisateurs, c'est eux qui vont dominer le monde. Et qu'est-ce que c'est qu'un mec qui crée une expérience utilisateur? En général, c'est un gars capable de parler à la fois aux utilisateurs, donc il faut quand même avoir un minimum de sens psychologique de vente et plutôt ce qu'on fait à Sciences Po HEC, en gros. Marketing, etc. Présenter, raconter une histoire. Et de l'autre, technique. De l'autre, plus ingénieur, et dire, attends, mais ça, c'est un clic qu'il faut base donner avec tel truc, poser cette question avant l'autre, bref, faire des interfaces. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à coder. En sortant de 10 heures, moi, je me suis dit, là, j'ai du temps devant moi, je vais apprendre à coder. Et là, je découvre que c'est pas simple d'apprendre à coder, parce que j'avais testé des trucs en ligne, mais c'était objectivement très compliqué d'avoir la discipline pour suivre les trucs. Même les trucs gratuits, genre Coursera, c'était en fait de la théorie sur l'informatique, mais tu t'apprends pas à coder, quoi. Tu connais les grands langages, tu sais qui a inventé les trucs, mais... donc moi-même, je me confronte à la difficulté, et j'allais pas faire 4 ans, évidemment, d'université computer science à 35... Non, à l'époque, j'avais déjà 16, non, j'avais déjà quasiment 39 ans. Bref. Et donc là, un ami français ici me dit, mais t'as déjà entendu parler du bootcamp, le wagon? Je dis non, ni bootcamp, ni wagon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est un truc qui cartonne à Paris, qui propose justement des formations au code rapides, en 2 mois. Par contre, c'est intense, c'est full-time les 2 mois. ils prennent des gens qui n'ont jamais codé de leur vie, et au bout de 2 mois, tu sais monter un site internet, genre Airbnb live, tu vois. Et donc, je dis, bon, c'est possible ce truc, déjà, ça me paraissait magique, que ça soit possible en 2 mois, et je ping sur LinkedIn, justement, le fondateur du Vagabond Boys, qui me répond dans la foulée, je pense que là, mon CV l'intéressait, et on fait un call, et au bout de 10 minutes du call, il m'avait convaincu, j'allais devenir étudiant, donc je voulais absolument faire ça. Et au bout de 15 minutes, je dis, mais attends, ce truc, c'est génial, ça n'existe pas en Amérique latine, il n'y a pas un seul bootcamp en Amérique latine. Alors, je voyais que ça avait explosé aux États-Unis, que ça commençait avec le wagon à bien se exploser en Europe, et en Amérique latine, il n'y avait rien. Et donc, je suis allé les voir en France, j'ai vu que les mecs travaillaient de manière très bonne, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les bons codes, le NPS pour tu vois, évaluer les professeurs et les teaching assistants. Leur plateforme en ligne, c'était un bijou, et maintenant, elle est encore mieux. Et surtout une méthode que je trouvais géniale parce qu'en fait tu passes 45 jours de ta vie donc 9 semaines à faire que ça, mais en fait 80% du temps tu es sur ta machine en train de créer des choses. Et donc on t'apprend au début, tu fais des petites choses, puis tu fais des moyennes choses, puis tu fais des complexes, des trucs beaucoup plus complexes à la fin, mais tu fais. Et t'as 1h30 de théorie le matin où on t'explique ce qu'on va faire dans la journée, donc on te donne un peu les briques du Lego, mais ensuite tu construis le Lego. Et puis à la fin, tu le construis même en gros, ce qui te permet de faire des Legos encore plus beaux, encore plus complexes. Et c'est pour ça qu'en 2 mois, tu arrives à transformer quelqu'un qui a jamais touché un éditeur de code de sa vie en un codeur qui pourrait prendre un job de junior dev. Et on en a plein, ex-Vagabond, qui sont devenus junior dev. Parce que quand tu passes 80% de ton temps à pratiquer dans un truc hyper stimulant avec des profs qui, dès que t'es bloqué, viennent t'aider pour t'expliquer ce que t'as pas compris ou pourquoi ça bug, tu gagnes un temps fou, quoi. Et ça te prendrait objectivement 3 ans à faire en ligne. Même et si c'est. Tu vas me convaincre. L'objectif de ce truc, c'est que tu fasses le Vagabond à la fin de l'interview. Évidemment, je fais jamais rien. Et comment s'est passé, du coup, le business développement ici à São Paulo? Tu pars parti de rien non plus. Enfin, ça fait 2 fois 10 heures, tu partais de rien. Bon, il y avait une grosse boîte derrière. Le Vagabond, c'est peut-être un peu. C'est une niche un peu plus précise. Alors, en fait, j'ai mesuré mes risques. Dans les deux cas, j'avais un produit dont je savais qu'il était super bien fait. Mais ailleurs, en France. Ailleurs. Ouais, j'avais l'importé avec exactement. Culture. Ouais, exactement. Mais j'avais. Enfin, après, les êtres humains, ils se ressemblent même. Donc, je pense que si ça marche en France, c'est difficile que ça marche pas du tout au Brésil, en tout cas, pour des produits B2C. Après, une fois que j'avais compris tout ça sur le wagon et le bootcamp, etc., j'avais un arbre de choix. Parce que là, l'autre décision en sortant de Deezer, c'est que je voulais être à mon compte. Je voulais pas un salaire, je voulais monter un truc qui m'appartienne. Et donc, en fait, j'ai pris 2 associés dans l'histoire pour pouvoir monter Rio et Belo Horizonte en même temps. Et on a monté le wagon de la TAM, vraiment en se payant pas au début, mais en montant la franchise. Donc, on a fait plein de workshops gratuits pour attirer les gens, on a fait du PR, on a fait du contenu. On n'a pas fait trop de digital marketing, ça marche pas super sur les, effectivement, le bootcamp est un peu cher, donc c'est pas rare que les gars, ils cliquent sur une bannière pour s'acheter un bootcamp. Mais on a fait tout ce qui nous paraissait le plus pertinent et maintenant on a 300, 250 peut-être ex-étudiants qui l'ont fait au Brésil, donc oui, on commence à avoir un nom chez nos banques, etc. Qui travaillent dans tout un tas de boîtes super, ouais, comme dev ou comme product manager ou comme growth hacker ou comme data science ou des gens qui ont créé des startups. On a tout un type de profil, mais tous sont sortis de l'expérience du wagon en disant que c'était exceptionnel. Et ça, c'était la plus grande fierté, quoi. Et on mesure avec ce qu'on appelle un NPS. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'un NPS. Oui, le NPS score. Il y a pas mal d'entreprises qui actuellement proposent des jobs et dans la liste de jobs proposent la création, justement, être chef de projet dans le chef de projet. Pour implémenter le NPS. Il y a implémenté le NPS. Chez moi, quand France, ils ont fait ça récemment. Quand j'ai posé la question, déjà c'était un test pour moi, le wagon, faut voir s'ils savaient, parce que chez Deezer, on utilisait vachement le NPS. Et on avait des NPS assez bons, mais genre à 50-60, tu vois. Et je pose la question au wagon, je dis, comment vous mesurez l'expérience de vos clients? PS, systématique, à tous les étudiants qui est à la fin du wagon. Et en plus, on leur demande un feedback écrit sur chacun des profs. Ah super, c'est quoi votre score? 95. Quoi? 95, je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. 95, c'est-à-dire qu'il y a genre un mec qui a mis 8, quoi, et puis tout le reste, ils ont mis 9 et 10. Et ils m'ont dit, non, c'est ce qu'on a depuis le début, et on s'améliore de mieux en mieux, etc. Et donc j'avais du mal à le croire, et quand on a lancé ici, on a réussi à tangenter ces scores-là. Les dernières questions, juste avant de parler de l'écosystème tech à São Paulo, Toi, là, aujourd'hui, donc chez Deezer, chez Le Wagon et chez, là, aujourd'hui, Lime Life by Alcon, tu es manager. Ouais. On en parlait tout à l'heure du management, même s'il n'y a pas un style de management, une théorie. Donc, que faut-il, selon toi, pour être un bon manager et surtout appliqué au Brésil? Enfin, que penses-tu du management ici au Brésil? Parce que j'en discutais avec Fabien Echen, que j'ai vu très récemment et que j'ai interviewé, qui me disait que le style de management, justement, était très différent parce que ici, les Brésiliens disent beaucoup plus oui que non. C'est difficile, et il me disait, lui, lorsqu'il a lancé le concept des Fab Labs et son projet, donc WeFab, il m'a dit que ça a été difficile de trouver des bons managers parce que en France et au Brésil, on a deux systèmes assez différents. Ouais, c'est marrant parce que le oui-non, j'ai eu une discussion avec Fabien sur le sujet. Moi, je pense qu'un bon manager, c'est d'abord quelqu'un qui aime les gens et qui donne sa confiance a priori, et parfois il se gourre, mais c'est un peu le... En anglais, ils disent « trust by default ». Donc moi, c'est mon style complètement. Et par contre, une fois que j'ai perdu la confiance, bah, c'est mort. Mais a priori, je donne la chance à tout le monde. Et donc, c'est parce que je considère que j'embauche des gens adultes et je les traite comme des adultes, pas comme des enfants. Et donc ça, c'est mon style. Et je pense que globalement, j'ai un bon signe. D'ailleurs, c'est toujours un bon signe quand tu fais des interviews d'ex-manager. C'est que j'ai souvent... j'ai changé plusieurs fois de job, mais les gens m'ont suivi dans des jobs pourtant très différents. Parce que, entre 10h, le ballon, la live, c'est complètement différent. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Après, le management au Brésil, je pense qu'effectivement, il y a un effet, une dimension culturelle. J'en fais pas des tonnes, je pense pas qu'il faut, tu vois, on n'est pas en train d'envoyer un Français au fin fond de la Chine. Ça reste une culture latine. Le langage, ça qui arrive pas facilement, donc tu deviens vite capable de bien comprendre et tout. Il n'y a pas 10 000 façons de faire des impairs avec les Brésiliens. Ce qui est sûr, c'est que la France est une culture beaucoup plus rigoureuse et conflictuelle. C'est-à-dire, les Français, ils aiment se cogner les uns aux autres. Et top-down. Donc les Français, ils aiment se cogner les uns aux autres et débattre en disant « je suis pas d'accord », etc. Et ça peut monter dans les tours. Et, c'est pas la fin du monde, mais on résout vachement les trucs par le conflit. Et au Brésil, ils ont une horreur du conflit. Donc, dès que les voix commencent à s'élever et tout le monde... panique, et plus personne ne veut participer à la conversation. Donc tu règles rien en gueulant au Brésil, parce que c'est pas du tout la méthode, il faut demander son avis à tout le monde, et après être dans le consensus. Bon, ça peut paraître, pour un Français, plus long, plus laborieux, etc., mais objectivement, c'est comme ça que ça marche au Brésil, et moi, je trouve que c'est plutôt plus agréable, d'ailleurs, parce que ça évite que les gens s'échauffent pour rien. Et après, effectivement, il y a la question du non et du oui. Alors moi, c'est un truc que j'avais découvert chez Deezer, qui était assez drôle, c'est que les Brésiliens, quelle que soit la question que tu leur poses, ils répondent toujours oui, parce que c'est mal élevé de dire non, en fait. Donc quand tu vas faire du biz dev et que tu vois un potentiel client et tu dis « alors, ça vous intéresse ?» Oui, oui. « Ah, on va peut-être faire des trucs ensemble ?» Oui, oui. « Bon, bah super, je vous envoie un mail et puis on prend une date pour voir votre VIP, je sais pas quoi. » Oui, oui, pas de problème, puis on envoie un mail et il se passe rien. Parce que dire non, c'est mal élevé, c'est vraiment un truc, ça leur arrache le cœur. Donc, ce que tu apprends à faire au Brésil, c'est à lire les tonalités, 50 nuances de oui. Parce qu'il y a le oui franc et massif que tu captes, et puis il y a le oui, on verra. Donc là, c'est, on veut dire, même pas en rêve, coco. S'il y a un oui aimé, c'est encore pire que ça. Et ce qui est drôle, c'est que je trouve que la culture française, c'est l'inverse. Parce que la culture française, c'est une culture très sceptique. On va dire non, a priori. Surtout, vous avez aimé votre idée, ouais, mais bon, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Enfin, on sort tous les trucs négatifs. Et il faut ramer pour sentir si le nom est une vraie porte fermée ou il y a peut-être toujours une opportunité. Et moi, je me souviens quand j'avais embauché chez Deezer des Brésiliens, je les ai envoyés parler à leur donc, édito, social media, communication. Évidemment, dès la première semaine, je leur demandais de parler à leurs équivalents à Paris. Et donc, en Brésilien créatif et enthousiaste, ils arrivaient avec plein d'idées à la France et ils me disaient « Ah, les Français, ils sont pas cool. Toutes mes idées, ils ont dit non. Ils trouvent ça nul, etc. Qu'est-ce que c'est cette boîte ?» Et je dis « Non, c'est pas la boîte, c'est la France. » Donc, j'ai dit « Voilà, je vais t'expliquer. » Les Brésiliens disent toujours oui, t'es d'accord? Le mec répond évidemment oui, c'est les Brésiliens. Et ben les Français, c'est l'inverse, on répond toujours non, mais le non est négociable. Donc faut que tu quittes. Donc là, de la même façon que quand tu entends un oui brésilien, tu t'analyses si c'est un oui franc et massif ou bien c'est un oui, je veux dire non. Et ben écoute les Français avec le même truc, sauf que t'inverses les pôles et tu t'analyses les noms. Tu dis ah ok. Donc semaine suivante, ils refaisaient un call et là ils disent c'est bon, en fait j'ai négocié. D'abord, et je leur disais, accessoirement, crée des liens, raconte ta vie, découvrez si vous avez des trucs en commun, etc. Et donc là, en général, deuxième semaine, ils revenaient en disant, ah, super, d'abord, on a tous les deux, on adore les chats, ou je suis un grand fan de Kanye West. Et le truc qu'il voulait pas faire, en fait, il m'aime bien, il va le faire pour moi. C'est ça, les Français, c'est ça. C'est non, mais en fait, si on t'aime bien, on le fait. Et j'avais, ouais, c'était génial, parce que les Brésiliens qui bossaient dans les équipes adoraient bosser avec les Français, alors que souvent, il y a des gros conflits entre les filiales et les maisons mères. Et moi, quand j'allais à Paris, les gens me disaient, putain, si tout le monde était comme la filiale brésilienne, ce serait génial, ils sont tellement cool, ils sont tellement sympas, ils nous créent pas de problèmes, ils ont toujours un petit mot gentil, etc. Et simplement, c'est parce qu'on avait, je pense qu'on avait réussi à décoder. Bon, après, le fait que la filiale brésilienne cartonnait, ça a aidé aussi, évidemment, à avoir une bonne image. Si on était nul, ça n'aurait pas été la même histoire, mais c'est, ouais, c'est ma petite anecdote sur les différences culturelles. Ok, donc maintenant plus sur l'écosystème tech. Que représente la French Tech pour toi et comment trouves-tu l'écosystème tech ici à São Paulo et en particulier l'appétence pour le codage à São Paulo pour des Brésiliens? Alors plusieurs questions en un. D'abord la French Tech, pour moi c'est une initiative fantastique, et donc j'ai participé avec grand enthousiasme à la création du hub de São Paulo. Quand je t'ai présenté l'opportunité il y a 3 ans maintenant. Oui, et pourquoi je trouve que c'est une super initiative? Parce que moi, j'ai des souvenirs, j'avais fait un stage dans la Silicon Valley en 99, hein, je suis vieux. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Doing Business in French, qui était un truc qui était un espèce de network de français aussi. Et j'étais allé 2-3 fois à ce truc-là, et c'était toujours la même chose. Ils avaient souvent des invités qui venaient de France, et le discours de la France était... mais pourquoi vous avez abandonné? Pourquoi vous êtes allé faire ça aux États-Unis alors que la France est très bien? Vraiment, vous êtes des enfoirés, vous aimez pas votre pays. Après, sur l'écosystème de São Paulo en soi, c'est un écosystème que je trouve très prometteur, qui a longtemps... il y a toujours eu un truc super à São Paulo, c'est qu'on est dans un pays de 200 millions d'habitants, donc en termes de marché, on est tout de suite sur du gros marché. Et São Paulo, c'est 40%, l'état de São Paulo, c'est 40% du PIB, donc c'est vraiment à São Paulo qu'il faut être. Et après, en plus, comme le Brésil, c'est la moitié du Latam, en gros, enfin, ça dépend du marché, mais si t'as réussi le Brésil, tu peux attaquer le Latam, et donc tu fais x2, quoi, en incluant le Mexique. Donc vraiment, c'est l'endroit idéal pour la zone Latam. Et oui, parce qu'on a souvent en France l'image de le Brésil, c'est Rio, alors que Rio est... Ouais, après, tu peux le faire depuis Rio. Webedia, par exemple, qui s'est installé à Rio, ils ont vachement bien marché. Après, ils ont monté aussi des bureaux à São Paulo. Et le business, c'est quand même São Paulo. Bah, quand j'ai monté Deezer, on s'est posé la question, parce que les labels de musique, ils sont plutôt à Rio. Et en fait, je ne regrettais pas une seconde d'avoir monté le business à São Paulo, parce que, encore une fois, en termes de ressources humaines, c'est quand même... Il y a plus de gens à São Paulo qui sont formés, capables, etc. Et pareil sur les... Donc, moi, ce que je trouvais, donc t'as toujours eu un gros marché, donc ça, c'est quand même un truc vachement intéressant. Ce qui manquait longtemps, c'était des ressources humaines. Donc, typiquement, ça manquait de développeurs, ça manquait de gens qui avaient l'expérience de l'entrepreneuriat, aussi bien côté même business angel, les gens qui découvraient tout ça se faisaient un peu. Aujourd'hui, c'est incroyable comme le jump a été fait, parce qu'il y a déjà plusieurs grosses boîtes qui sont nées de zéro à São Paulo. Je pense à iFood, 99 Taxi, Nubank, qui sont devenus des unicornes. Même en France, on n'a pas des équivalents. Hein. Parce que les plus grosses licornes françaises, ça, à côté de Nubank, iFood ou 99 Taxi, et même Rappi, qui est colombien, mais dont le plus gros marché est l'Amérique latine, c'est des boîtes énormes. Et donc, né dans la région, avec des business angels, et tout ça, ça crée une culture fantastique, comme on peut l'avoir en France avec les Criteo, Blablacar, Deezer, où en fait, t'as le cycle complet, quoi. Un entrepreneur tout seul, qui a une super idée, qui arrive à fédérer des utilisateurs, qui trouvent des business angels, qui derrière font venir des VC, et puis à la fin, tu as une sortie en bourse ou rachetée, tout le monde devient riche. Et dans ta boîte, c'est génial, parce que des business angels, du coup, ils vont réinvestir en voyant comment ça a marché dans plein d'autres boîtes. En portugais, on dit fonctionnaires, mais tes employés, si en plus ils ont des petits stocks, ils peuvent derrière monter des boîtes aussi. Et donc, tu crées un écosystème hyper favorable avec tout un tas de mafias qui naissent de ces rencontres. Ok, ok. Eh bien, merci Mathieu. Merci pour cette entrevue qui a été très enrichissante. On a abordé énormément de sujets depuis ton parcours jusqu'à l'écosystème tech ici à São Paulo. Et je suis sûr que les auditeurs ont retenu plein d'informations utiles qui leur serviront peut-être. Donc, merci encore et à bientôt.